campagne. Il est rouge comme ma zone. On bouge comme des hommes. Je touche même les autres. Quartier rouge, c'est nous contre les autres. En première ligne, ouais. J'évite les mines en mode vite. Élimine les ennemis qui gisent par terre en streetwear. Ouais. La victoire est mathématique. Double attaque. Attaque soviétique. Mystique, classique. Les défenses paniques. En avance, masique. Tragique comme la mastique. Lérica, mange ton gun. Factice. Clic. Dans ma clique, pas de soldats. Que des généraux. SRI. Corps sous les rênes. J'ai les crocs. Ça finit en bain de sang. Comme Hannibal ou Attila. On a Lérica. Kamikaze. On manie le mic. Ouais, comme un tireur d'élite qui manie là. Quartier rouge, infanterie mobile. Instinct animal, on vient à deux. À deux. C'est l'arme et ses munitions. Le fourreau et la lame sonne. La lampe capitale punition.